Section 3 de L'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Première partie, suite. Je m'éveillai fort tard, le lendemain, malgré le jour, entré librement dans la chambre. Je portais, comme ceux d'un rêve, des souvenirs de la nuit, mais ils se précisèrent et la pensée me revint tout à coup des souliers laissés devant l'âtre. Je trouvai une pomme rouge dans chaque chaussure et, pliée dans le papier brillant d'une plaque de chocolat, 5 gros sous neufs et crissants sous les doigts qui ne suffirent point à combler mon attente. Il y parut sur ma figure. Ma tante qui m'observait me rappela ses pressentiments de la veille. « Nous sommes loin de la ville, mon petit, et le Père Noël y laisse tous ses jouets. » Je l'embrassai sans trop de rancune quand le facteur s'annonça dans la cuisine. Je courus prendre la lettre et la rapportai à ma tante qui cherchait ses lunettes et devant qui, anxieusement, j'attendis. Elle déchiffra la suscription tout entière, prit ses ciseaux pour ouvrir proprement la missive, la déplia et se mit à lire, lèvres closes, les sourcils hauts. Elle alla jusqu'à la fin sans que son visage trahît l'impression que je guettais. Puis, replaçant la lettre dans l'enveloppe et celle-ci dans la poche de son tablier, elle me dit, en retirant ses verres, « Ta mère vient ce soir, mon enfant. » Ma joie fut sans bornes. Seconde, descendue des chambres, se tenait les mains aux hanches dans le cadre de la porte. Il me sembla bien que le regard de sa maîtresse lui confiait autre chose. Mais ma tante la pria de prévenir Justin afin qu'il fût à l'arrivée du bateau. Et je me promis d'y aller aussi. Le bonheur que me donnait l'espoir certain de voir ma mère décupla mon activité. J'aidais ma tante à dresser dans la salle à manger un couvert digne de la solennité du jour. Elle avait convié au déjeuner une de ses vieilles amies à qui nous faisions visite le dimanche et qui souffrait de la solitude au jour de fête. Je plaçai avec soin les assiettes que me tendait ma tante, puis, par le grand escalier, je l'accompagnai dans les combles où elle-même s'occupait de conserver des fruits. Je pénétrai derrière elle dans une mansarde obscure qu'une odeur forte emplissait. Les œils de bœuf, ouverts, je vis sur la paille qui jonchait le sol de délicats raisins roses, dont quelques grains tombés et pourris répandaient une odeur vineuse. De longues poires rousses, bien rangées, couvraient une table où se trouvaient encore de grosses pommes Canada. Des prunes passées au four demeuraient sur leurs claies. Et levant la tête, j'aperçus, pendus aux poutres, des paquets d'herbes sèches, qui étaient la menthe du bord des routes, la sauge, la mauve et la verveine du jardin. La fenêtre m'attira. On y dominait la cour où Maria paraissait toute menue, la route blanche entre les vignes et tout au loin, presque brillant de soleil pâle, le vaste fleuve dont l'autre rive ne s'apercevait pas. Je ne cessais plus de regarder. Cependant, le panier garni, il fallut descendre, mais l'odeur des fruits nous suivait et j'avais dans ma poche 2 prunes molles et noires dérobées grâce à l'ombre des volets refermés, en me rappelant combien les aimait ma mère. Mademoiselle Aurélie arriva tôt à pied et par la cuisine, où elle dit quelques mots à Seconde, avant de nous rejoindre à la salle à manger. Elle était vêtue d'un châle et d'un bonnet noir, posé bas sur ses cheveux tirés et gris. Son visage avait cet air d'attention craintive des gens à qui la vie a déjà beaucoup demandé. Elle caressa ma joue, embrassa son amie qui achevait de garnir un compotier et s'occupa de remplir l'autre, en mettant de côté les grains tombés des grappes fragiles, qu'elle me tendit ensuite dans le creux de sa main, avec un sourire. Elle parlait peu. Assise devant la cheminée et près de ma tante, qu'elle écoutait en hochant la tête, elle fixait la flamme. Ma tante lui annonça l'arrivée de ma mère. Leurs regards croisés s'abaissèrent sur moi, puis se cherchèrent de nouveau. « C'est à elle qu'il ressemble, » prononça mademoiselle Aurélie. Le vif acquiescement de ma tante exprima la joie qu'elle avait de cette constatation à laquelle elle s'était déjà livrée. Elle ajouta encore « Et il n'a aucun goût pour le piano. » Sur la chaise basse, j'attendais que l'on servît. Je n'avais guère faim, mais l'impatience où j'étais de la soirée me faisait trouver interminable le temps qui m'en séparait. Seconde parut enfin, portant le potage, et le bénédicité récité nous prîmes place. Vers le milieu du repas, pour fêter la dinde rousse et gonflée, la servante prit, devant le feu, un flacon de vin vieux qu'elle avait mis tiédir. et emplit nos verres en insistant sur l'âge respectable de la bouteille qu'elle disait être née avant moi. Je ne me souciais guère du vin vieux dont le fumet de truffe m'écœurait, mais on me forçait à le boire pour les forces qu'il devait me donner. Ma tante se contentait d'y tremper ses lèvres et semblait ne chercher là qu'un prétexte à se souvenir. À demi-mot, avec son amie, elle rappelait la chaleur torride de l'année qui avait donné ce vin, la maison fermée où l'on vivait dans l'attente du soir, les lueurs d'incendie au-delà du fleuve, vers les Landes, les vendanges plus abondantes que jamais parce qu'une pluie providentielle était tombée après les prières publiques de septembre. La lumière jouait sur le liquide dans le verre où se heurtaient des reflets chauds. Qui voyait-elle encore qui faisait ses yeux fixes et son sourire mystérieux ? Mademoiselle Aurélie regardait aussi, bien loin, par la fenêtre qui l'éclairait en face, et j'eus soudain l'impression, comme au repas où se taisait mon père, d'être tout seul, près de ces deux femmes dont la pensée retournait aux étés d'autrefois, aux jours d'avant ma naissance, pour y retrouver le soleil d'alors, leur jeunesse, et le rire de ceux-là qui n'étaient plus. Je laissai la table dès l'entremets et passai au jardin. Les cloches y jasaient en langue claire, celles de la ville et celles encore des villages voisins. J'avais souvent pensé que notre jardin était leur lieu de causerie. Je les écoutais s'y retrouver et se parler dans le grand calme du dimanche, et je me disais que c'était peut-être la venue de ma mère qu'elles s'annonçaient mutuellement. J'eus l'idée de faire un bouquet pour orner la chambre qu'il m'allait falloir céder. Rien ne cachait la terre brune des massifs, mais sur le mur bas dont ils disjoignaient les pierres, le lierre, parmi son feuillage lustré, offrait des grappes rondes de menus fruits que je me mis à cueillir. À ce moment, une femme, au mouchoir noué sous le menton, ouvrit le portail et prit l'allée. Je reconnus en elle la domestique de la directrice des postes et la rejoignis à la cuisine assez tôt pour la voir remettre à seconde, effarée, la dépêche qu'elle apportait. Elle assurait, de la part de sa maîtresse qui avait reçu le télégramme, que celui-ci n'offrait aucun sujet d'inquiétude. Ma tante ne l'ouvrit cependant qu'avec le plus grand trouble et nous apprit enfin que ma mère remettait son voyage et qu'il ne fallait pas compter sur elle ce jour-là. Je regagnai le jardin, j'allais sans savoir jusqu'à la charmille sur le banc de laquelle je m'assis. Les cloches battaient encore, mais ma joie morte ne leur prêtait plus de voix. Le paysage, baigné de lumière affaiblie, se découvrait tout entier à travers les arbres dépouillés. Soudain, je m'entendis appeler dans le jardin. Je ne répondis pas, un second appel retentit en vain, puis une porte se referma, on ne me chercha pas davantage. Quand plus tard je rentrai, j'appris que ma tante et Mademoiselle Aurélie s'étaient fait conduire à la ville. Je m'assis dans la cuisine où Seconde réparait le désordre du repas. Elle retira du feu l'eau qu'elle y avait mis chauffée dans une lourde bouilloire et l'emporta au réduit voisin où je l'entendis bientôt remuer les plats et les assiettes qu'elle lavait. Une fine buée voilait les carreaux des fenêtres. Le jardin s'effaçait peu à peu. Alors, comme je retrouvais au fond de ma poche les prunes dérobées le matin, les larmes jaillirent, que je m'efforçais depuis trop longtemps de retenir. Elle vint enfin. Nous dûmes veiller pour attendre, après le dîner, le train tardif qui l'amenait. Elle me parut plus pâle et plus grande. La voilette relevée faisait un bandeau sombre sur son front. Elle s'émut de nous revoir et me tint longtemps embrassée. Nous nous rassîmes autour de la lampe, sous laquelle fumait une tasse de lait qui était tout ce que la voyageuse consentait à prendre. Je la regardais dans la demi-clarté filtrée par l'abat-jour. Ses yeux restaient tristes, et le coin de sa bouche avait cette fossette que je connaissais. Elle s'informa de ma conduite, de la peine que j'avais dû donner, et, comme on l'assurait de mon obéissance, elle ajouta qu'il était temps que je devinsse sérieux. J'eusse passé la nuit à l'entendre, mais elle me pria de monter en m'assurant qu'elle aurait vite fait de me rejoindre. Je me couchai avec confiance et l'attendis, les yeux ouverts, dans l'ombre, de peur de laisser le sommeil me gagner. Mais bien du temps s'écoula avant qu'elle parût se souvenir de sa promesse. Je l'entendis pourtant pénétrer dans sa chambre, ouvrir son sac et ranger sur le marbre les objets de toilette, aller, venir, se coucher enfin, et je m'endormis, réconforté de sa présence. Ce fut elle qui me réveilla le lendemain, Elle voulut aider à mon lever. J'appris alors que le but de son voyage n'était pas de me venir chercher. Mon père désirait visiter le Midi, y séjourner probablement, et peut-être plusieurs mois. Afin de ne pas interrompre mes études, on avait décidé de me mettre en pension, à V. Ma tante devait veiller sur moi, me faire sortir jeudis et dimanches, et se tenir au courant de mes progrès. Il y eut en moi une joie sourde de ne pas retourner au chef-lieu, mais aussi le secret effroi d'une nouvelle vie, et l'ennui de voir s'éloigner ma mère qu'il m'allait falloir perdre de nouveau, et tout à fait. Le jour même, elle se rendit à V, vit le directeur du collège dans lequel je devais entrer, convint avec lui de toutes choses, et m'informa au retour que je reprendrais, dès janvier, mes études. Elle me recommanda le travail, me représenta le plaisir que ma bonne conduite lui causerait, ainsi qu'à mon père. Elle m'assura d'une sortie hebdomadaire à la grangère et me promit de m'écrire le plus souvent possible. Le lendemain, elle repartit. La semaine s'acheva rapidement, dans une inquiétude qui, tout en comblant les jours, m'en fit mieux encore saisir la brièveté. Seconde et ma tante marquaient chaque pièce de mon trousseau du chiffre qui allait être le mien. On commanda au menuisier une petite caisse qui fut garnie de chocolat et de confitures pour mes goûters et fermée d'un cadenas dont j'eus la clé. Une autre boîte fut achetée, toute pleine d'objets de toilette qu'il fallut aussi numéroter. Pour la première fois, je me sentais en possession d'un bien propre que l'on séparait pour qu'il me suivît des biens communs de la maison. Avec quelques bonbons, ma mère m'avait porté un livre de Jules Verne que je me mis à lire sur le champ, pris de la crainte de ne le pouvoir finir avant la rentrée. L'état d'esprit dans lequel je me trouvais me rendait infiniment propre à partager l'émotion des héros, à frémir de leurs aventures, et les prodigieux événements rapportés par l'auteur restèrent longtemps mêlés dans ma mémoire aux sentiments venus de ces derniers jours de l'année qui s'achevaient avec ma liberté. Fin de la section 3.